voir le jour. Et puis tu t'en vas, tu me laisses entrevoir l'amour. Tu es avec sans cri, sans appel au secours, sans même qu'on ne sache pourquoi. Dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi d'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court si c'est pour aussi peu de bonheur. Ooh!